un été d'écrivain. Écouter un écrivain, entendre son œuvre, des entretiens, des lectures. Pour cette dernière semaine d'un été d'écrivain, une émission spéciale consacrée à Franz Hessel et son fils Stéphane. Toute cette semaine, Bernard Pingot s'entretient avec Stéphane Hessel, une émission enregistrée en 1988. À voix nue. Hommage à Stéphane Hessel, décédé ce 27 février 2013. C'était en mai 1988, Bernard Pingot rencontrait ce grand défenseur des droits de l'homme. Stéphane Hessel, nous allons aborder dans ce second entretien vos activités professionnelles comme diplomate et comme fonctionnaire international. Vous êtes rentré donc à Paris en mai 1945 et vous décidez à ce moment-là de préparer le concours spécial du Quai d'Orsay. Vous abandonnez donc complètement les perspectives traditionnelles ouvertes par l'École normale supérieure qui auraient pu vous conduire par exemple vers l'université. Première chose que j'ai faite en rentrant, d'abord encore une fois chance, je parle toujours de ma chance, au lieu d'arriver épuisé, quasi mourant, comme quand même la grande majorité des déportés, j'avais eu ce parcours relativement supportable et donc je n'étais pas particulièrement amoché. Je vais voir mon professeur de philo, Le Sen, un merveilleux professeur de philo, et je lui dis « Croyez-vous, mon cher professeur, que je sois encore capable de présenter l'agrégation de philo ?» Son verdict a été radical, il m'a dit non. Essayez autre chose. Je retrouve en même temps un archicube ami, un normalien qui est Sauvagnargues, plus tard ministre des Affaires étrangères, qui à l'époque était entré aux Affaires étrangères et qui me dit « Tu devrais passer le dernier grand concours ». C'était nouveau pour moi. J'avais toujours un peu rêvé diplomatie, mais de façon lointaine. Et je suis donc reçu à ce grand concours spécial, le dernier, avant l'ENA. On nous propose des postes. Les trois premiers choisissent Washington, Moscou et Londres, comme de bien entendu. Il reste Chongqing. Je choisis Chongqing. Je m'embarque pour la Chine, mais en réalité, je passe par New York. C'était pas la voie la plus directe, mais c'est là que mes beaux-parents se trouvaient et nous avions décidé qu'on pouvait faire ce petit détour. Arrivé à New York, je tombe sur Henri Laugier. Qui était Henri Laugier ? Un homme extraordinaire et pour moi, dans ma vie, quelqu'un de très stimulant. Il était le premier secrétaire général adjoint français des Nations Unies et cet homme qui était un ami de mon beau-père et qui cherchait un jeune diplomate pour le prendre à son cabinet, obtient du ministère que l'on envoie quelqu'un d'autre à Chongqing, ça a été Jean de Lipkowski, et que, en ce qui me concerne, on m'affecte, donc on me détache auprès du secrétaire général des Nations Unies. Alors justement, j'aimerais bien qu'on parle un peu de cette atmosphère, et peut-être que, pour commencer, vous nous expliquiez un petit peu ce qu'était cette institution que le général de Gaulle levait plus tard dans un mot célèbre appelé le machin. Qu'est-ce que c'était que le machin à ses origines? De quand ça date d'abord les Nations Unies? C'est de l'idée de créer les Nations Unies qui devait succéder à la Cité des Nations, date de la fin de la guerre. Elle date même, je dirais, des deux dernières années de la guerre, la charte de l'Atlantique et la pensée du président Roosevelt. C'est lui qui a imposer les Nations Unies à ses partenaires qui n'en voulaient pas tellement, et notamment à Staline. La grande idée de Roosevelt était que cette fois, après cette guerre désastreuse, il fallait fonder une organisation internationale et une communauté mondiale sur des bases beaucoup plus solides, sur une charte, sur une charte ambitieuse, embrassant non seulement les relations politiques, mais les relations économiques, culturelles et ce domaine inconnu avant, les droits de l'homme. Pourquoi droits de l'homme? Comment les relations internationales ont-elles quelque chose à voir avec les droits de l'homme? Eh bien, il faut bien dire, si j'ose le dire, c'est le mérite du fascisme d'avoir démontré d'une façon absolument irréfutable que quand on commence à violer les droits de l'homme, on finit par démolir la société internationale. Et c'est parce qu'on avait ce sentiment très fort dans les années qui ont immédiatement suivi la guerre qu'on a réussi à faire passer l'idée d'une communauté internationale qui défendrait non seulement la paix, non seulement un certain équilibre économique, mais une société humaine, une société fondée sur des principes et sur des valeurs. Vous imaginez comme c'est enthousiasmant pour quelqu'un qui sort des camps. Vous imaginez combien les relations que j'ai eues avec d'autres, car il y en avait quelques autres au sein du secrétariat général, secrétariat des Nations Unies, qui avaient subi la guerre d'une façon aussi dramatique que moi. Entre nous, cette idée que voilà enfin une institution qui va pouvoir s'imposer au monde parce qu'elle sera fondée sur la coopération désormais ferme entre les 5 plus grandes puissances victorieuses de la guerre. Combien cette idée était pour nous stimulante et enthousiasmante. Je crois qu'on ne peut pas, si on ne l'a pas vécu, se faire une idée exacte de ce qu'a été ce début des Nations Unies. Nous avons commencé à travailler dans un souterrain, un peu comme dans les camps. C'était le Sperry Plant. Moi, j'avais travaillé dans une usine où on fabriquait des trains d'atterrissage. Là, c'était une usine où on fabriquait des instruments de navigation. Elle se trouvait à une cinquantaine de kilomètres du centre de New York. Et en attendant qu'on nous construise le magnifique bâtiment de verre, la boîte à cigares, qui est maintenant sur le bord de l'East River à New York, nous travaillions là-bas, sur l'île de Long Island. Et il y avait là une équipe encore réduite, qu'est-ce qu'on était, quelques centaines de fonctionnaires internationaux, qui ont patiemment élaborer cette grande mécanique. Cette mécanique qui est bien décrite dans la charte, mais qui lit encore aujourd'hui la charte des Nations Unies. Et pourtant, c'est un document très intéressant. Vous savez, nous sommes quelques-uns, de moins en moins nombreux, parmi les premiers fonctionnaires internationaux qui défendons la valeur de la charte, la valeur de cet instrument irremplaçable que sont les Nations Unies, de cette communauté internationale qui a des règles et des principes. Elle les viole, c'est entendu, les droits de l'homme ne sont respectés nulle part, nous le savons, ou en tout cas pas dans beaucoup de pays. Mais chaque fois qu'une violation de la charte s'opère quelque part, il y a une communauté internationale qui peut en parler. Il y a une assemblée générale où des résolutions peuvent être adoptées. C'est une transformation de la communauté mondiale unique dans l'histoire. J'y insiste avec peut-être ce que vous considérerez comme une trop grande véhémence, mais je suis convaincu pour ma part que ce qui s'est passé dans les années 45-46, la mise en place de cette nouvelle structure d'une communauté internationale où tous les pays, accédant peu à peu à l'indépendance, trouvent une place dans un système qui est démocratique, mais qui n'est pas démocratique au point de devenir incontrôlable, c'est un formidable acquis pour l'histoire de l'humanité. Quels sont dans notre monde actuel les États qui ont un peu l'esprit international? Peut-être la France, quelquefois, pas toujours. Mais très peu d'autres, chacun défend naturellement son ours et son beefsteak. Eh bien, il y a au sein de ces institutions des secrétariats qui, eux, sont recrutés comme fonctionnaires internationaux, ne dépendant que de leur chef hiérarchique, n'ayant de compte à rendre à aucun État particulier, et qui sont là constamment attachés à faire connaître les problèmes internationaux, à faire valoir les difficultés internationales, peu puissants, peu capables d'obtenir des décisions, n'assistant même pas ou n'assistant que discrètement aux délibérations intergouvernementales, mais entre les réunions intergouvernementales, ils travaillent et ils préparent par des actions. Et je vous assure que l'expérience longue maintenant que j'ai eue tout au long de ma vie, l'expérience de fonctionnaire international me montre que nous ne devons en aucun cas sous-estimer le rôle que joue cette structuration particulière de la communauté internationale. Alors revenons à l'acteur que vous avez été, Stéphane Hessel. Vous avez travaillé où, vous, précisément? J'étais donc auprès de Laugier, et quand le Conseil économique et social se réunissait, j'étais dans le secrétariat de ce conseil. J'étais là pour préparer les documents pour ce conseil et pour aider les différentes délégations à trouver des solutions à leurs délibérations. Pierre Mendès France, représentant la France et parlant des grands problèmes mondiaux qu'il connaissait parfaitement bien puisqu'il avait été le représentant de la France à Bretton Woods, la conférence qui a donné lieu à deux autres institutions internationales de la famille des Nations Unies qui sont la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, dont aujourd'hui encore chacun reconnaît l'énorme importance dans l'équilibre mondial. Donc ne sous-estimons pas cet ensemble. Stéphane Hessel, vous avez à l'instant parlé du rôle primordial de ce que vous appelez les secrétariats internationaux. Les secrétariats internationaux, je suppose que vous voulez dire par là, les secrétariats composés de fonctionnaires internationaux qui donc ne dépendent plus de leur état d'origine, mais sont au service des Nations Unies. Vous avez joué ce rôle une bonne partie de votre vie. Vous avez été aussi, nous aurons l'occasion d'en reparler, à certains moments, un fonctionnaire national. Est-ce que ça posait des problèmes pour vous, par exemple, quand vous évoquez Pierre Mendès France, vous évoquez Georges Boris, ils viennent à New York en tant que représentants de la France. Et vous, vous êtes en face d'eux en tant qu'un fonctionnaire international, un peu comme aujourd'hui un fonctionnaire de la Commission de Bruxelles, par exemple, assiste à une réunion sur l'agriculture en face de représentants des États nationaux. Et comment est-ce que vous avez vécu ce type de situation? Alors là, je dirais que ça a beaucoup changé. Et c'est peut-être aussi là qu'on retrouve ce qui a été, encore une fois, un moment privilégié de ma vie, c'est d'avoir été là au moment où ça commençait. Au moment où ça commençait, nous, les fonctionnaires internationaux, nous étions des porteurs de quelque chose qui était en train de se construire, à quoi nous croyions très fortement. Nous, les fonctionnaires internationaux, Henri Laugier, moi, son chef de cabinet, nous avions le sentiment que nous disions à ces gens, voilà ce qu'il faudrait faire pour arriver à résoudre tel ou tel grand problème mondial. Et puis, assez vite, on s'est aperçu que le jeu se jouait entre États et ne se jouait pas au niveau des fonctionnaires internationaux. Il y a eu une déception que j'ai vécue naturellement très fortement, au point qu'au bout de 4 ans, j'ai préféré me retrouver dans le système français, pensant qu'il valait mieux animer un ministère des Affaires étrangères français pour qu'il devienne un peu plus coopérant internationaliste, plutôt que d'être dans cette position forcément démunie de beaucoup de moyens, qui est celle du serviteur de la communauté internationale. De quoi étions-nous serviteurs? Si vous voulez, on peut dire nous étions serviteurs de la charte, c'est-à-dire nous avions ce document qui disait « voilà comment la communauté internationale doit fonctionner ». Et nous, qui étions censés préparer ces réunions, nous voulions que ça marche. Quelquefois, ça marchait. J'ai des souvenirs aussi très heureux et très positifs de cette période, lorsque, par exemple, une nouvelle institution comme l'Organisation mondiale de la santé s'est créée. Ça a été un grand moment d'espoir, parce que la santé, c'est extraordinairement important. J'ai été aussi par hasard à l'origine de l'Organisation météorologique mondiale. On m'avait confié un rôle là-dedans en tant que fonctionnaire international. Eh bien, ça, ce sont des moments heureux où on se dit un nouveau domaine, et un domaine important, tous ces domaines sont importants, va s'ouvrir à la coopération internationale. Mais d'autres moments où on était très déprimé parce que on espérait avoir un vote positif sur la commission de la condition de la femme, faire progresser quelque chose dans ce domaine. On espérait une négociation qui s'ébaucherait, mettons par exemple sur la Palestine. Il y a eu des moments dramatiques où on espérait que quelque chose se ferait et puis ça ne se faisait pas. Donc le fonctionnaire international, il est dans cette position ambiguë. Il est heureux quand ça marche. Je dirais presque, il est heureux quand n'importe quoi marche, parce que c'est le symbole de quelque chose qui va accroître la solidité de la structure de la communauté internationale. Et il est triste quand ça ne marche pas. Or, nous le savons bien, bien souvent, ça ne marche pas. Et plus tard dans ma vie, quand je me suis trouvé au programme des Nations Unies pour le Développement, ou que je me suis trouvé dans d'autres instances internationales, où on apercevait la difficulté que l'on avait à accoucher, à faire accoucher les États de quelque chose. Je suis sûr que les collègues qui ont travaillé sur la communauté et sur Bruxelles ont encore beaucoup plus que moi senti ces moments douloureux où on est presque sur le point, tout le monde va presque s'entendre. On est là pour ça, on n'est pas là pour défendre une position, on est là pour défendre le consensus possible. Avec cette différence, Stéphane Hessel, que le traité qui a créé la communauté économique européenne donne quand même beaucoup plus de pouvoir à la Commission de Bruxelles. C'est un vrai traité, ce n'est pas une charte de principes et de vœux pieux. Espérons que vous ayez raison. Je crois que beaucoup, si vous interrogiez aujourd'hui quelques-uns des chers commissaires qui sont à la Commission, ils vous diront que ce qui s'est dégradé le plus, même au sein de l'Europe, c'est le rôle respectif des organes communautaires, comme la Commission, par rapport aux États, Conseil des gouvernements, Conseil des chefs d'État. Donc la tendance grave de notre période, c'est bien que, au lieu de surmonter le goulot d'étranglement État, qui est finalement le frein, forcément, à toute progression réelle de l'interdépendance, au lieu que ça se soit dégradé, comme nous l'espérions en 45-46, on se disait, les États, ça compte encore, mais bientôt, c'est les organisations internationales qui compteront. Eh bien, ce qui s'est produit, c'est évidemment l'inverse. Les organisations internationales sont devenues de plus en plus des terrains de manœuvre pour États, et non pas des organismes qui imposent peu à peu aux États une certaine discipline et un certain ordre. C'est pourquoi le général de Gaulle a fini par le qualifier de machin. Cher Bernard Pinault, il est avéré que le général de Gaulle n'a jamais prononcé ce mot. Ah bon ? Qui lui a été prêté généreusement. Alors le machin, non. La France, d'ailleurs, a toujours été un État membre constructif. Je dirais même que beaucoup des propositions les plus intéressantes sur le plan international venaient de délégués français. C'est ce qui a d'ailleurs donné à mon rôle de fonctionnaire international français beaucoup de sujets de satisfaction. Un homme comme René Cassin, un homme comme Laugier, dont j'ai déjà parlé, mais qui était international, un homme comme Pierre Mendès-France ou Georges Boris, ont fait au sein des Nations Unies quelque chose que peu d'autres pays ont fait au même titre. Alors ça me faisait plaisir. Je suis donc pendant 4 ans le collaborateur proche, le chef de cabinet, si vous voulez, le directeur exécutif, ça s'appelait comme ça, auprès d'Henri Laugier, et j'assiste pendant cette période aux 4 premières années de ces Nations Unies, dont je vous ai déjà dit toute l'importance que je leur accorde. Mais je rentre en France. Je rentre en France en 1951, et pendant 4 ans, je me trouve au ministère des Affaires étrangères chargé du dossier Nations Unies. Et je me rends donc régulièrement, soit à New York, soit à Genève, pour les sessions des Nations Unies. J'assiste aux assemblées générales. J'ai le privilège de me trouver secrétaire de la 3e commission de l'Assemblée, celle qui a adopté en 1948, le 10 décembre, la Déclaration universelle des droits de l'homme. Je me trouve donc auprès de Madame Roosevelt et de René Cassin. Madame Pandit, la sœur de Nehru, bien d'autres que je ne vais pas énumérer. Et nous arrivons ensemble à ce résultat inespéré qu'une déclaration universelle définisse les droits de tous les citoyens du monde, quel que soit le pays auquel ils appartiennent. Vous me direz, c'est pas appliqué. Bien sûr, mais qu'est-ce qui est jamais appliqué? Ce qui compte, c'est la volonté de faire prévaloir un certain nombre de valeurs auxquelles on peut se raccrocher. Enfin, je ne vais pas recommencer mon plaidoyer. Si, non, mais Stéphane Hessel, c'est très intéressant, cette déclaration des droits de l'homme, parce que je pense que, effectivement, les gens ne la connaissent pas tellement. Moi, j'ai eu la curiosité de la relire ces jours-ci, et le nombre de droits qui sont clairement abordés est très impressionnant. Il n'y a pas seulement la défense, le droit à la vie, à la liberté, le refus de la torture, des emprisonnements abusifs, etc. Il y a le droit à l'éducation, il y a le droit au repos et au loisir, il y a le droit à la culture, le droit au travail, au libre choix de son travail, le droit à la sécurité sociale, qui est quand même assez nouveau pour l'époque. Il y a même le droit au mariage. Il y a un article concernant les conditions du mariage qui est assez remarquable sur le choix du conjoint et sur la famille. Il y a toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, par exemple, qui est affirmé là-dedans. C'est une liste, philosophiquement, je trouve que c'est un document qui reste extrêmement impressionnant. Ce qui s'est passé pour la déclaration, n'est-ce pas, il faut, pour bien comprendre, rappeler que la déclaration n'était que le premier acte de ce qu'on voulait appeler une charte des droits de l'homme et qui devait comprendre la déclaration, les pactes et les mesures d'application. La déclaration a été adoptée non sans mal, et les discussions sur chacun de ces articles entre membres de la Commission des droits de l'homme, avec Madame Roosevelt qui exerçait une tutelle autoritaire forte et René Cassin qui essayait de placer aussi son couplet, et les États arabes qui, sur des problèmes comme le mariage, n'étaient pas très à leur aise, et l'Union soviétique qui, sur d'autres problèmes comme la participation à la vie politique, n'était pas non plus très à leur aise. La déclaration est passée parce que, justement, c'était l'atmosphère des premières années de l'après-guerre où personne n'osait ne pas rendre hommage à ce que la communauté internationale devait faire pour ne pas retomber dans les affreuses horreurs du nazisme et du fascisme. C'est ça qui nous a beaucoup aidés. Parce qu'on disait chaque fois, ça c'est ce que Hitler a bafoué. Donc ne laissons pas... Les pays qui se sont abstenus quand même. Plusieurs pays se sont abstenus, et notamment des pays comme l'Arabie Saoudite, qui trouvaient qu'on allait trop loin vis-à-vis de l'islam. Les pays de l'Est ont voté pour. Mais c'était un vote pour, voyez-vous, c'était une déclaration qui était donc adoptée par une assemblée générale. Ce n'était pas une convention. Et l'effort qui a été fait ensuite par les Nations Unies au cours des années suivantes, ça a été de transformer cette déclaration en pacte. Et il y a eu deux pactes. Et vous rappeliez à l'instant, cher Bernard Pinault, que dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, il y a les vieux droits traditionnels, celles qu'on trouve dans notre Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ou que l'on trouve dans la Déclaration américaine. Mais il y en a de tout nouveaux, qui sont ce qu'on a appelé les droits économiques et sociaux. Et ces droits-là, qui a insisté pour les y faire figurer, ce sont les pays de l'Est, qui souhaitaient justement qu'on ne s'en tienne pas à des droits et des libertés qu'ils savaient très bien qui étaient bafoués chez eux, mais que l'on inscrive aussi des droits dont ils pensaient qu'ils ne seraient peut-être pas si facilement appliqués dans l'économie libérale. Oui. Donc là, il y a eu un marchandage très intéressant. Et finalement, la déclaration comporte donc un ensemble de droits qui sont vraiment, c'est vraiment un ensemble assez complet. Je dirais qu'aujourd'hui encore, si on voulait ajouter des articles à la Déclaration universelle, on en trouverait guère. Tout y est. Y compris d'ailleurs ce droit très délicat à appliquer qui est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, parce qu'alors là, on entre immédiatement dans l'énorme problème de la centralisation, décentralisation, autonomisme Sahara occidental, j'en passe. Mais donc, tout s'y trouve. Mais ça ne suffisait pas, il fallait que les États s'engagent. Et ceux qui ont signé les deux pactes successifs, qui ont été élaborés dans les années 50-60, et qui donnent lieu alors à des comités où ils sont sur la sellette, puisqu'ils ont signé le pacte, ils doivent rendre compte de la façon dont ils l'ont appliqué, ça représente un pas de plus. Et les mesures d'application des deux pactes devaient comporter notamment un droit de pétition pour tout individu sur la Terre de pouvoir faire appel à une cour internationale qui aurait dit, une cour des droits de l'homme, qui aurait dit « Votre État s'est mal comporté vis-à-vis de vous, il sera donc condamné ». Ceci qui s'est fait, comme vous le savez, sur le plan de l'Europe, où nous avons une Convention européenne des droits de l'homme et une cour des droits de l'homme, ne s'est naturellement jamais fait sur le plan des Nations Unies. N'est-ce pas ce qui s'est passé, disons-le tout simplement, c'est qu'entre le rêve des Nations Unies des années 40, des dernières années 40, auxquelles j'ai rêvé moi-même, et la réalité, il y a eu la coupure du monde en deux. Il y a eu la guerre de Corée, il y a eu la guerre froide, il y a eu le fait que les Nations Unies sont restées universelles, important, et qu'il faut souligner. Personne n'en est jamais sorti, sauf l'Indonésie pendant une année, mais elle est rentrée. La Chine, bon, a eu des phases où elle était Taïwan et des phases où elle était Pékin, mais personne n'en est jamais sorti. Cette organisation reste universelle. Mais bien entendu, cet universalisme ne répond plus à une vue commune de la part de tous ses membres de ce qui est peut-être l'essentiel de la vie internationale sur le plan des conflits, de la paix et de la guerre. Vous parlez, oui, là, de la transformation qui a introduite la guerre froide, enfin, bon, les tensions entre l'Est et l'Ouest. Mais est-ce que vous ne pensez pas, Stéphane Hessel, qu'il y a aussi un autre élément de transformation tout à fait capital qui a joué, qui est la décolonisation, qui a entraîné la multiplication du nombre des États indépendants, et qui par conséquent a fait aussi basculer, on l'a très bien vu à l'UNESCO, mais je pense que ça doit jouer aussi, ça a joué aussi aux Nations Unies, qui a fait basculer les équilibres de vote au sein des Nations Unies, notamment au sein de l'Assemblée Générale, dans un sens nouveau. Et est-ce que ça n'est pas aujourd'hui finalement, c'est une idée que je vous lance comme ça, vous me direz, vous êtes beaucoup plus compétent que moi, on a longtemps perçu les Nations Unies comme un instrument de rapport Est-Ouest. Au fond, c'était un petit peu l'endroit où les bons Américains et les vilains Soviétiques, ou inversement, selon les perspectives où on se place, pouvaient trouver un terrain de discussion. Et est-ce que ça n'est pas aujourd'hui fondamentalement le problème des rapports Nord-Sud qui est la grande préoccupation de l'avenir et pour lequel les Nations Unies devraient se consacrer maintenant? Oui, c'est certainement l'essentiel de la transformation. Vous avez tout à fait raison d'insister là-dessus. Les pays du Sud sont majoritaires. En fait. Les pays, n'est-ce pas? Au fond, la décolonisation a été, il faut bien le dire, la grande œuvre des Nations Unies. La décolonisation se serait peut-être faite en tout état de cause. Les esprits évoluent, les idées parcourent le monde. Mais s'il n'y avait pas eu cette instance où les puissances coloniales étaient constamment mises sur la sellette, au nom de la charte, au nom du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, s'il n'y avait pas eu cette constante pression, il est probable que la décolonisation se serait faite beaucoup plus lentement. Là, elle s'est faite. Et il y a eu donc une transformation totale de la communauté internationale en l'espace de 25 ans. C'est formidable. Dans aucune autre époque de l'histoire de l'humanité, je crois encore une fois ne pas exagérer ma véhémence, il n'y a eu une telle transformation dans le nombre des acteurs de la vie internationale qu'au cours de ces 25 années. Et dans des conditions naturellement contestables. Rooseveltienne, démocratique, c'est-à-dire chacun a le même droit, que ce soit la Barbade ou que ce soit l'Union soviétique, que ce soit l'Inde ou que ce soit les îles Maldives, tout le monde sur le même pied. Alors, ça donne naturellement des résultats tout à fait imprévisibles, imprévus. J'ai assisté plusieurs fois à des discussions sur la notion de micro-État. Ne devrait-on pas trouver une catégorie des micro-États qui auraient par exemple moins de 100 000 habitants et qui, eux, n'auraient pas droit à une voix aux Nations Unies? Vous pensez impossible, parce que chacun se dit pourquoi 100 000, pourquoi pas moi? Donc, on est vraiment arrivé à l'idée que la décolonisation entraînerait un accroissement presque sans limite du nombre des parties prenantes et des acteurs de la concertation internationale. Qui sont passés à, vous le disiez, 160. 160 maintenant. Et 160 encore, pourquoi pas, mais 160 avec une telle différence de poids entre eux, qu'il y a un aspect un peu ridicule à dire 125 États ont voté une résolution, mais parmi ces 125 États ne se trouvent ni les pays européens, ni les États-Unis, ni le Japon, ni l'Union soviétique. Alors évidemment, 125 États, ça ne fait pas lourd. D'autant que, vous le savez bien, la question des contributions joue toujours. Les ministères des Finances ont l'œil vissé sur tout ce qui se passe dans le monde. Et les ministères des Finances des grands pays disent nous contribuons à 85% au budget des Nations Unies, et ceux qui contribuent à 15% représentent 120 pays contre 40. Alors évidemment, ça a un côté déséquilibré. Mais qu'est-ce qu'on aurait pu faire d'autre? C'était À Voix Nue, hommage à Stéphane Hessel, l'inspirateur du mouvement des indignés décédé le 27 février 2013 et que Bernard Pinault avait rencontré en mai 1988. Réalisation Anne-Pascale Desvignes, coordination Sandrine Trainer. Cette émission reste écoutable en ligne pendant une durée de 1000 jours et podcastable pendant un an sur franceculture.fr. Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Stéphane Hessel avec Bernard Pingot. France Culture, un été d'écrivain, deuxième partie. Le temps de la lecture avec Franz Hessel, le feuilleton d'un flâneur, réalisé par Étienne Vallès. Nous vous proposons d'entendre en nouvelle diffusion 5 des 10 épisodes du feuilleton consacré à l'écrivain allemand Franz Hessel, père de Stéphane Hessel, par Bruno Takens. Franz Hessel, le feuilleton d'un flâneur, par Bruno Takels. Deuxième épisode. Aujourd'hui, l'amour de Berlin, première leçon de flânerie. Avec Olivier Clavery, Laurent Cléry et la voix de Maxime Dambrun. L'amour de Berlin, première leçon de flânerie. Lettre imaginaire de Walter Benjamin à Franz Hessel. 22 novembre 1929. Cher Franz, quel plaisir de te retrouver dans tes promenades berlinoises et d'y lire notre ville maternelle sous le jour d'une inquiétante étrangeté. Ta manière d'envisager Berlin démontre à chaque phrase qu'elle est regardée par l'un de ses rejetons. Tu ne décris pas la ville, tu la racontes. Et tu la racontes de l'intérieur. Comme quelqu'un qui habite véritablement la ville, comme on habite une maison. Pour les gens de la masse, et le flâneur vit avec elle, les étincelantes enseignes émaillées des sociétés ne sont ni plus ni moins qu'un ornement mural, comme l'est, au salon, une peinture à l'huile pour le bourgeois. Les murs coupe-feu sont leurs pupitres, les kiosques à journaux leurs bibliothèques, les boîtes aux lettres leurs bronzes, les bancs leur boudoir et la terrasse de café l'encorbellement d'où ils observent leur foyer. Là où, à la grille, les ouvriers de l'asphalte ont suspendu leur veste, c'est leur vestibule. Et eux qui fuient les cours, le porche les mène à l'air libre. C'est l'accès aux chambres de la ville. En regardant la ville, c'est l'intimité de ses habitants que tu débusques à la manière d'un entomologiste. L'espace et les pierres anciennes fonctionnent comme un levier à exacerber le désir. Fascinante cette façon que tu as, par l'écriture, d'érotiser le premier regard que tu portes sur les êtres, en particulier quand ils appartiennent à la gent féminine. Et chaque seuil nous promet l'aventure, fulgurante, unique, de celles qui n'ont lieu qu'une fois dans la vie. À te lire, je me sens inexorablement entraîné sur tes pas, dans les rues de Berlin, les cours, les places de marché. Je suis comme transporté dans ces lieux que tu traques. Je me sens devenir le voyeur de ta propre traque. Mais ce n'est pas simplement par empathie que je te suis dans les méandres de la ville. Je sens dans tes mots l'âme d'un véritable historien matérialiste. Oui, dans tes histoires, c'est l'histoire qui se révèle à chaque instant. Pas la grande histoire avec son grand H, mais celle qui émane de tous ceux qui en sont généralement exclus. Dans chacun des morceaux de réalité que tu rabats, pris dans les filets de tes récits de chasseurs urbains, on sent clairement que tu racontes l'histoire, mais refusant résolument de te fondre dans le moule du discours dominant. Tu ne parles que des petits, de ceux qui n'ont pas de nom, qui n'ont pas la force de devenir des héros, les cachés, les sans grade, les petites mains qui font naître les grands corps de l'histoire. Mais très étrangement, ces êtres que tu croques dans tes chroniques urbaines finissent insensiblement par advenir. Sans en avoir l'air, derrière ton masque de promeneur suspect, tu réussis ce tour de force de faire apparaître des êtres véritables, improbables et sans contour reconnu. Quand tu te promènes dans les rues de Berlin, tu nous fais voir la ville comme on ne l'avait jamais vue. Et je me suis demandé pourquoi cette vision inédite dans ta prose. C'est que tu parles de l'histoire sans jamais te revendiquer du camp des vainqueurs. Ton œil oblique te porte immanquablement vers tous ceux qu'on oublie à force de normalité, tous ceux qui ont perdu leur nom après l'avoir vendu au maître le plus offrant. C'est ce penchant, assurément, qui te rend suspect auprès des gens qui t'épient du coin de l'œil. Quel est cet homme qui marche sans raison? Que fait-il à ne rien faire? Non seulement le flâneur que tu anoblis par tes textes est suspect aux yeux des habitants de la ville, mais il est également peu recevable par le philosophe englué dans la métaphysique. Celui-ci ne sait dans quelle catégorie te ranger. Ni sujet d'un savoir, ni objet de connaissance, ni écrivain, ni personnage, et un peu de tout cela à la fois. C'est que ta position de flâneur engage une nouvelle manière de penser et de vivre dans ce monde, celle du dialecticien matérialiste, qui pense le monde à partir de la matière, et non la matière à partir d'une idée métaphysique du monde. Le flâneur est un chasseur de matière, un révélateur de nos espaces quotidiens que nous sommes devenus incapables de regarder véritablement. La ville retrouve ses couleurs sous tes mots perçants. Ou plus exactement, tu en éclaires les zones sombres et oubliées. C'est là que ton regard s'érotise et se pose délicatement sur les femmes que tu croises. Et les mots que tu traces sur le papier semblent tenir lieu de passage à l'acte. Bien plus fort que le geste de celui qui étoufferait le désir en le réalisant brutalement. Tu as su arpenter notre ville comme un paysan de Berlin, en inventant par ton travail, ta pratique, ton existence affirmée, un double augmenté du paysan de Paris que projetait Aragon avec son livre éponyme. Tu m'as ouvert à cette intuition profonde qui est en train de changer mon regard sur les villes modernes. Elles sont notre nature, notre seconde nature, et elles enterrent nos secrets comme personne. Tu m'as fait comprendre que la ville est une énigme, un univers de signes à déchiffrer. Seul celui qui sait cultiver la ville peut les faire apparaître. Et tu es de cela, assurément. De ce rôle de défricheur, je voulais te remercier. Et puis tu es parti arpenter ailleurs d'autres terres, d'autres rêves, ceux de Paris, qui deviendra ta seconde maîtresse. En esquissant ton portrait, Ernst von Salomon décrivait très bien ta vie tiraillée entre deux pays, bicéphale et tiraillée. Il vivait de Paris et de Berlin comme on vit des deux poumons, c'est là qu'il se sentait chez lui. Cet homme déjà âgé, avec une inébranlable modestie, fidèle à son monde, qui était celui de la brume soyeuse sur la Seine et celui des feuilles mortes des marronniers sur le Landwehr Canal. Une violente nostalgie lui faisait quitter Berlin pour Paris, et une non moins violente nostalgie lui faisait regagner Berlin. Ton amour pluriel s'est propagé et n'a pas manqué de m'affecter. Je me sens toujours chez moi et orphelin à la fois, que je sois à Paris ou à Berlin. Une vie intranquille que tu m'as léguée, et qui est sans doute le plus beau cadeau que ton amitié m'a offert. Avec toute ma gratitude, ton Walter Benjamin. Franz Hessel, Promenade dans Berlin. Extrait. À notre époque, où il y a tant d'autres moyens de transport, cette antique façon de se déplacer sur deux jambes devrait procurer un plaisir particulièrement pur et désintéressé. Il existe, pour te conduire à destination, tant de volcans à essence et d'autres véhicules, qu'ils soient privés ou publics. Et, pour ta santé, tu peux faire ce que l'on appelle du footing, cette forme plus souple de l'exercice militaire, pendant laquelle on est si occupé à exercer correctement des mouvements en harmonie avec la respiration, qu'on a bien du mal à regarder à droite ou à gauche. Se promener n'est ni utile ni hygiénique. C'est de l'extravagance, comme, d'après Goethe, la poésie. Comme tout déplacement, et plus encore que tout autre déplacement, c'est une manière de se laisser aller. On se laisse tomber d'un pied sur l'autre, on se balance. Il y a, dans notre manière de marcher, quelque chose de la démarche chancelante des enfants, et cette heureuse apesanteur que nous appelons équilibre. Je ne peux que tranquillement recommander la promenade dans ces temps difficiles où nous vivons. Ce plaisir n'a vraiment rien de spécifiquement bourgeois ou capitaliste. C'est une source de richesse pour les pauvres, et presque leur privilège. Si l'on m'objecte, comme le font les gens occupés, ce qui dans un premier temps peut paraître justifié, que l'on n'a pas le temps de se promener, alors, qu'on veuille apprendre ou ne veuille pas désapprendre cet art, je fais la proposition suivante. Descends à l'occasion, dis-je, de l'autobus ou de la voiture, une station avant ton but, et marche quelques minutes. Combien de fois es-tu arrivé en avance, et as-tu occupé ce temps mort à lire les journaux et à t'ennuyer? Fais de ces minutes des vacances au quotidien, et flâne un bout de chemin. Chacun de nous est un oisif qui, là, aimerait parfois pouvoir oublier les motifs qui le poussent et se déplacer sans but précis. Pour celui-là, la rue devient un rêve éveillé. Les vitrines cessent de faire de la surenchère et deviennent des paysages. Les raisons sociales, les doubles noms notamment, si différents et reliés au milieu par une esperluette, deviennent des figures mythologiques et des personnages de conte. Les plaques sur les murs, à l'entrée des maisons, deviennent, elles, des raccourcis curieux, drôles ou horribles, des activités de la vie. Aucun journal ne se lit avec autant de curiosité que les annonces lumineuses qui courent le long des toits sur les panneaux publicitaires. Et la disparition de ces inscriptions, sur lesquelles on ne peut revenir, comme dans le cas du livre, est un symbole sensible de la précarité des choses. Un signe que le vrai jouisseur enregistre, pour mieux se persuader de l'importance et du caractère unique de ce qu'il fait sans but. Toi, mon contemporain qui aspire à la promenade, je ne t'envoie pas dans des contrées étrangères pour y voir des curiosités. Visite ta propre ville. Promène-toi dans ton quartier. Flâne dans ce jardin de pierre à travers lequel te guide le métier, le devoir ou l'habitude. Revis en passant l'histoire de quelques douzaines de rues. Regarde incidemment comment les uns et les autres supportent la vie ou la vomissent, comment ils sont tantôt silencieux ou agités, distingués ou misérables, ramassés sur eux-mêmes ou éparpillés. Comment les vieux jardins se survivent comme des îles ou se meurent étouffés derrière les murs mitoyens. Regarde où et comment les rues s'animent ou s'endorment. Où et comment la circulation étouffe la vie. Où et quand l'affluence redevient agréable. Fais la connaissance de ces seuils de maison qui deviennent de plus en plus silencieux parce que ce sont de plus en plus rarement les pas des étrangers qui les franchissent, tandis qu'ils reconnaissent les pas de ceux qui viennent ici chaque jour, comme dans le demi-sommeil d'une vieille concierge. Et à côté de ce qui demeure ou disparaît lentement, s'offre à ton regard errant, à ta réflexion ambulante, la foule des constructions éphémères, provisoires, des échafaudages, des palissades, des cloisons en planches qui deviennent de brillantes taches de couleur au service de la publicité. Ce sont les voix de la ville, des êtres qui t'appellent et te font signe, tandis que les vieilles maisons, elle recule à ton approche. Et derrière les planches, visibles à travers les interstices, Ce sont des champs de bataille couverts de pierres, de masses de matériaux privés de résistance où plongent des grues de fer et des leviers d'acier. Suis en passant l'histoire des magasins et des auberges. Apprends la loi qui peut rendre superstitieux quand il s'agit de lieux qui, quoique apparemment bien situés, n'ont pas de chance. Ces lieux où les propriétaires et la nature des marchandises changent continuellement. À quelle surenchère ne se livrent-ils pas ces magasins quand la ruine les menace? Ils soldent, font des offres extravagantes, affichent en grand caractère des prix tellement bas. Combien de destins, de succès, d'échecs peut-on deviner à la vue de ces étalages, sur ces menus de restaurants, sans avoir à franchir la porte, sans avoir à rencontrer les propriétaires et les employés? Oui. Tout ce qui est accroché là et que tu peux lire, t'en dit souvent plus que leurs propos ou leurs manières. Et ainsi j'en arrive à un aspect important du promeneur, il n'a pas à entrer, il n'a pas à lier conversation. Les devantures et le spectacle des entrées et des sorties lui suffisent. Il lit la vie sur des affiches, et même quand il regarde les objets ou s'en détourne, les visages des inconnus qui passent lui parlent tout à coup davantage. Ce qu'il y a d'unique, de charmant dans la promenade, c'est qu'elle te libère de ta vie privée plus ou moins désolante. Tu entres en contact avec des situations, des destinées qui te sont étrangères. Ceci, le vrai promeneur le constate à la frayeur qu'il éprouve quand soudain, dans la ville de rêve de sa flânerie, il lui arrive de rencontrer quelqu'un qu'il connaît et que tout d'un coup, il redevient un individu avec un nom, une identité. Le fait de déambuler n'est que rarement une affaire sociale, comme par exemple la promenade d'autrefois. Cela n'existe plus aujourd'hui que dans les villes où il y a une sorte de cour, où ce devait être un très charmant jeu de société et représenter une situation comme on en trouve l'équivalent qu'au théâtre ou dans une nouvelle. Il est vrai qu'il n'est pas du tout facile de se promener en compagnie de quelqu'un. Très peu de gens s'entendent à pratiquer cet art. Les enfants, qui pourtant sont généralement exemplaires en bien des cas, font de la promenade une entreprise avec ses règles secrètes et sont si occupés lorsqu'ils foulent le pavé des rues à éviter de heurter les trottoirs ou les crevasses remplies de sable qu'il leur est impossible de lever les yeux. Ou bien ils utilisent la succession des choses qu'ils côtoient à se livrer à d'étranges calculs empreints de superstition. Ils se traînent ou se hâtent. Ils ne se promènent pas. Les êtres qui, pour des raisons professionnelles, se livrent à des observations, les peintres ou les écrivains, sont de très mauvais compagnons, parce qu'ils vous dérangent le plus souvent. Ils détachent ce qu'ils voient, l'encadrent, l'interprètent d'une façon ou d'une autre, ou bien s'arrêtent trop brusquement, au lieu d'enregistrer sans aucune intention l'image fugitive qui passe devant eux. C'est donc le plus souvent quand tu es seul que tu es un vrai promeneur. Tu dois alors te garder de ressembler à cette sombre figure de roman qui déchiffre le mystère de sa propre vie à partir des coulisses des maisons et arpente les rues d'un pas sonore et mélancolique, ceci pour mieux fournir à l'auteur matière à une exposition. Le vrai promeneur est comme le lecteur qui lit pour son plaisir ou pour passer le temps. C'est une espèce qui se fait aujourd'hui de plus en plus rare, car la plupart des lecteurs, comme aussi les amateurs de théâtre, se croient obligés, et ceci par pure vanité, de proférer un jugement. Ah, tous ces jugements! Même les critiques d'art feraient mieux de critiquer moins et d'envoûter davantage. Comme ce serait bien s'ils pouvaient envoûter les sujets qu'ils ont à traiter, tout comme le font les sorciers. La rue est donc une sorte de lecture. Lis-la. Abstiens-toi de juger. Retiens-toi de déclarer trop vite qu'elle est belle ou laide. ces notions sont tout à fait insuffisantes. Laisse-toi abuser et séduire par l'éclairage, l'heure et le rythme de tes pas. Fonds-toi dans la foule. Mêle-toi pendant un certain temps à des cortèges, à des attroupements. Si par hasard c'est la fermeture des magasins ou la sortie des théâtres, arrête-toi un instant, comme si tu attendais quelqu'un. Un tel simulacre ne te détourne pas de ta démarche qui ne poursuit pas de but. Après une longue marche et une première fatigue, tu trouveras un nouvel élan. Le pavé te portera alors comme une mer, il te bercera comme un lit ambulant. Alors tu pourras voir tant de choses dans cette attitude faussement alanguie. Tant de choses te regarderont. La rue te sera de plus en plus familière. À travers la couche la plus récente, tu apercevras les couches les plus anciennes. À quel spectacle n'assisteras-tu pas ? Même dans les quartiers de notre Berlin qui ne sont pas historiques, je n'ai nul besoin de t'envoyer à Krogel ou à Altkeln. Encore un conseil. Je te recommande pourtant de ne pas aller tout à fait sans but. Oui, il y a du dilettantisme dans le fait de s'abandonner au hasard, mais cela n'est guère conseillé. Tâche plutôt de te fixer un but. Une occasion te détournera peut-être agréablement de ton chemin. Or, tout détour suppose un itinéraire bien établi. Si en chemin tu veux voir quelque chose, ne t'y précipite pas. Sinon, cette chose se dérobera à ton regard. Laisse-lui le temps de te regarder, toi aussi. Cela existe, les yeux dans les yeux avec les prétendues choses. Les hommes, en revanche, il est souvent recommandé de les regarder sans le laisser paraître. Alors, sans s'en rendre compte, ils livrent des aspects de leur vie qu'ils retiennent dans le feu croisé des regards. Je n'ai parlé jusqu'ici que de la promenade en ville, et pas de celle tout aussi intéressante que l'on peut faire dans un intermonde, dans le monde intermédiaire, en banlieue, hors des murs, dans la zone suburbaine, là où rien n'est ordonné, là où tout est resté en vrac, là où il y a des rangées de maisons qui s'arrêtent abruptement, des hangars, des dépôts, des files de voies ferrées, avec la fête des tabernacles dans les jardins ouvriers. Or, c'est par là que se produit la transition vers la campagne et la promenade. Et la promenade est un tout autre chapitre dans l'apprentissage du plaisir. L'école du plaisir ? Oui. C'est là qu'il nous faut retourner. C'est une dure école, avec une délicieuse et sévère discipline. Mais à la fin, elle n'existe pas du tout. Et si l'on essayait de la créer, il en émanerait un sérieux de la vie. C'était Franz Sessel, le feuilleton d'un flâneur, par Bruno Takels. Deuxième épisode. Aujourd'hui, l'amour de Berlin, première leçon de flânerie. Avec Olivier Clavry, Laurent Cléry et la voix de Maxime Dambrun. Assistance technique et montage, Pierre Henry. Prise de son et mixage, Éric Boisset. Assistante à la réalisation, Lise-Marie Barré. Réalisation, Étienne Vallès. Promenade dans Berlin, de Franz Sessel, traduction Jean-Michel Belleuil, est publiée aux éditions de Lerne. Thank you.